sur R. Pas de coup de feu, pas de victime. Je voudrais conserver mon insigne. Me sort le flic qui négocie ma tissor. D'or est déjà dehors, les autres savent que Jekyll mort. Hardcore jingle, des locks pour Liane. Ghetto infâme pour scène, dramatique trame. Dans le postulat de départ est l'unique situation offerte, prouver qu'on est authentique. Donc s'il n'y a pas de coup de feu, on ne verra pas d'insigne. J'aimerais tout de même canner les victimes. Le chromo du grade est le criminel clan. Bien que souvent là, faut battre sur mes frères d'âme. Deux tiers, un tiers du monde pour preuve d'égalité. Inégalité pour deux bois et blindés. De prime abord, trois façons de voir. Vision manichéenne pour pas le deux au point de départ. La lame à l'œil, non. L'arme au point, la bave à la bouche, non. La lame à sonneux, heure ténébreuse pour des yeux qui peuvent pleurer. Pour des yeux qui peuvent pleurer. La lame à l'œil, non. L'arme au point, la bave à la bouche, non. La lame à percer, pas si Jekyll, monsieur R menace à croire. Discours juste un sale arôme, donc je lâche une larme amère quand je pense à nos mômes. Cœur écœuré, mec carré, double S au chrome, il faut niquer. Ce tableau fait de larmes, d'armes et de sanglots. La vie c'est aigre, cinglé, c'est pas le poker, y'a pas de règles. À mon avis, baise là tous les jours, elle aura pas ses règles. Jean et beat, brut en rue, des militants butés. Mon but c'est briller, plus de chute. Et je bondis à vol d'aigle, non. Rien de rien, ce que je dis, je regrette rien. Ni le mal, ni le bien, ni les miens. Tout ça, je m'emballe, et tout tombe. Je suis armé dans ce monde plein de pédés, de cocu, de flics au cul, de gros cul tordu, trop de canettes plantées. Toujours les mêmes crânes cramés. Carlouche et Crouille, ouais. Un son pour Kaira, ouais. Pour les squales, ouais. Plus de larmes, je viens tuer, l'alarme a sonné, le savoir mon arme, mon rap, mon canon scié, tillé. L'alarme à l'œil, non. L'arme au poing, la bave à la bouche, non. L'alarme a sonné, heure ténébreuse pour les yeux qui ne peuvent pleurer. Pour des yeux qui peuvent pleurer. L'alarme à l'œil, non. L'arme au poing, la bave à la bouche, non. L'alarme a percé, pas si tu n'es, je suis une menace à croire. Si c'est meurtrier, si c'est pour enlever la vie d'autrui, mec. Si c'est dramatique. On fait tourner nos chimas pour éviter des drames mortels. Dès l'Hiroshima, des bombes explosent. Tandis que nos mômes s'exposent, se meurtrient dans un hydrose. Si on cause de choses moroses, c'est qu'il y a trop de larmes qui coulent. Je goûte des pauvres petites brosses. Il y a trop de maladies, ouais. Et sans un radis, on rêve tous de vivre les joies du paradis. Il nous a dit nous aimer les uns les autres. Mais les vôtres butent les nôtres quand ils se vautrent. Trop de galaches, trop de 3-5-7. Trop de mecs cloués sur la croix comme le pauvre Jésus de Nazareth. Nos mères pleurent, mères pleurent. Tandis que notre haine se transforme souvent en pulsion meurtrière. La larme à l'œil, non. L'arme au poing, la bave à la bouche, non. La larme a sonné, air ténébreuse pour les yeux qui ne peuvent pleurer. Les yeux qui ne peuvent pleurer.